C'était un gars bizarre, un rêveur solitaire. Un artiste funambule qui risquait sa carrière. C'était un gars bizarre, un rêveur solitaire. Un artiste funambule qui risquait sa carrière. Tous les soirs sur la piste. Sur sa joue une vilaine cicatrice causée par une admiratrice. Sous le bras droit un nuage tatoué à Django. Il aimait trop l'amour et ne pensait qu'à enlever le dessous de sa partenaire. C'est la complainte des amants funambule. C'est pas facile de s'aimer sur un fil. Il faut penser au retrait quand on travaille sans filet. L'amour peut parfois vous rendre fou et vous faire tomber les nues. Il lui avait toujours promis que si elle restait nue, il la couvrirait de joyaux, de bijoux. Un jour la pauvre fille, à force de rester à poil après un spectacle en Sibérie, attrapa un virus, une mauvaise maladie. Il n'y avait plus d'oseille et la faim était le repas quotidien. C'est la complainte des amants funambules. C'est pas facile de s'aimer sur un fil. Il faut penser au retrait quand on travaille sans filet. L'amour peut parfois vous rendre fou et vous faire tomber les nues. La pauvre fille, à force de vivre sans dessus dessous, à la porter au clou ses fourrures, ses bijoux. Il y eut soudain comme une odeur de poisson frais. Elle partit avec le dresseur d'Otari. Mais vous direz, on est tous des artistes. Loin tous du mal à rester sur la piste. Mais vous me direz, on est tous des artistes. On a tous du mal à rester sur la piste. Sur la piste. Sur la piste. Sur la piste. Sur la piste. Sur la piste. Sur la piste. Sur la piste. Sur la piste. Sur la piste. Sur la piste. Sur la piste. Sur la piste. Sur la piste. Sur la piste. Sur la piste. Sur la piste. Sur la piste.